crise. Va vivre les pots de chambre sur la tête à ma tante. Vas-y sur les pots de pisse sur la tête à Maurice. Ah la la la la. Route Davos, mon père est bossu. Sans fraîche, près j'ai marché sur sa bosse. C'est route Davos, mon père est bossu. Sans fraîche, près j'ai marché sur son cul. La la la la la la la la. La la la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la la. Rire ta lourde, la femme ma biche lourde. Rire ta lourde, la femme ma biche lourde. Et route ta bosse, mon père est bossu. Sans faire exprès, j'ai marché sur sa bosse. Et route ta bosse, mon père est bossu. Sans faire exprès, j'ai marché sur son cul. Vive le pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, c'est ta mère, Renard. Oh là là, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage. Allez, vive le pays de celui qui l'a fait. Et route ta bosse, mon père est bossu. Route ta bosse, mon père est bossu. Sans rêve, il m'a dit.